Lettre sur les écrits et le caractère de Jean-Jacques Rousseau. Lettre première. Du style de Rousseau et de ses premiers discours sur les sciences, l'inégalité des conditions et le danger des spectacles. C'est à l'âge de 40 ans que Rousseau composa son premier ouvrage. Il fallait que son cœur et son esprit fussent calmés pour qu'il pût se consacrer au travail. Et tandis que la plupart des hommes ont besoin de saisir cette première flamme de la jeunesse pour suppléer à la véritable chaleur, l'âme de Rousseau était consumée par un feu qui le dévora longtemps avant de l'éclairer. Des idées sans nombre le dominaient tour à tour. Il n'en pouvait suivre aucune parce qu'elles l'entraînaient toutes également. Il appartenait trop aux objets extérieurs pour rentrer en lui-même. Il sentait trop pour penser. Il ne savait pas vivre et réfléchir à la fois. Rousseau s'est donc voué à la méditation quand les événements de la vie ont eu moins d'empire sur lui, et lorsque son âme, sans objet de passion, a pu s'enflammer tout entière pour des idées et des sentiments abstraits. Il ne travaillait ni avec rapidité ni avec facilité. Mais c'était parce qu'il lui fallait, pour choisir entre toutes ses pensées, le temps et les efforts que les hommes médiocres emploient à tâcher d'en avoir. D'ailleurs, ses sentiments sont si profonds, ses idées si vastes, qu'on souhaite à son génie cette marche auguste et lente. Le débrouillement du chaos, la création du monde, se peint à la pensée comme l'ouvrage d'une longue suite d'années, et la puissance de son auteur n'en paraît que plus imposante. Le premier sujet que Rousseau a traité, c'est la question sur l'utilité des sciences et des arts. L'opinion qu'il a soutenue est certainement paradoxale, mais elle est d'accord avec ses idées habituelles. Et tous les ouvrages qu'il a donnés depuis sont comme le développement du système dont ce discours est le premier germe. On a trouvé dans tous ses écrits la passion de la nature et la haine pour ce que les hommes y ont ajouté. Il semble que, pour s'expliquer le mélange du bien et du mal, il l'avait ainsi distribué. Il voulait ramener les hommes à une sorte d'état dont l'âge d'or de la fable donne seule l'idée, également éloigné des inconvénients de la barbarie et de ceux de la civilisation. Ce projet, sans doute, est une chimère. Mais les alchimistes, en cherchant la pierre philosophale, ont découvert des secrets vraiment utiles. Rousseau, de même, en s'efforçant d'atteindre à la connaissance de la félicité parfaite, a trouvé sur sa route plusieurs vérités importantes. Peut-être, en s'occupant de la question sur l'utilité des sciences et des arts, n'a-t-il pas assez observé tous les côtés de l'objet qu'il traitait ? Peut-être a-t-il trop souvent lié les arts aux sciences, tandis que les effets des uns et des autres diffèrent entièrement ? Peut-être, en parlant de la décadence des empires, suite naturelle des révolutions politiques, a-t-il eu tort de regarder le progrès des sciences comme une cause, tandis que ce n'était qu'un événement contemporain ? Peut-être n'a-t-il pas assez distingué dans ce discours la félicité des hommes de la prospérité des empires. Car, quand il serait vrai que l'amour des connaissances eût distrait les peuples guerriers de la passion des armes, le bonheur du genre humain n'y aurait pas perdu. Peut-être, enfin, avant de décider cette question, fallait-il mieux balancer les inconvénients et les avantages des deux parties. C'est la seule manière de parvenir à la vérité. Les idées morales ne sont jamais assez précises pour ne pas offrir des ressources à la controverse. Le bien et le mal se trouvent partout, et celui qui ne se servirait pas de la faculté de comparer et d'additionner, pour ainsi dire, l'un et l'autre, se tromperait ou resterait sans cesse dans l'incertitude. C'est à la raison plutôt qu'à l'éloquence qu'il appartient de concilier des opinions contraires. L'esprit montre une puissance plus grande lorsqu'il sait se retenir, se transporter d'une idée à l'autre. Mais il me semble que l'âme n'a toute sa force qu'en s'abandonnant. Et je ne connais qu'un homme qui eût su joindre la chaleur à la modération, soutenir avec éloquence des opinions également éloignées de tous les extrêmes. et faire éprouver pour la raison la passion qu'on n'avait jusqu'alors inspirée que pour les systèmes. Le second discours de Rousseau traite de l'origine de l'inégalité des conditions. C'est peut-être de tous ses ouvrages celui où il a mis le plus d'idées. C'est un grand effort du génie que de se reporter aux simples combinaisons de l'instinct naturel. Les hommes ordinaires ne conçoivent pas ce qui est au-dessus ni au-dessous d'eux. Ils restent fixés à leur horizon. On voit à chaque page combien Rousseau regrette la vie sauvage. Il avait son genre de misanthropie. Ce n'étaient pas les hommes, mais leurs institutions qu'il haïssait. Il voulait prouver que tout était bien en sortant des mains du Créateur. Mais peut-être devait-il avouer que cette ardeur de connaître et de savoir était aussi un sentiment naturel, don du ciel, comme toutes les autres facultés des hommes, moyen de bonheur lorsqu'elles sont exercées, tourment quand elles sont condamnées au repos. C'est en vain qu'après avoir tout connu, tout senti, tout éprouvé, il s'écrie « N'allez pas plus avant, je reviens, et je n'ai rien vu qui valût la peine du voyage. » Chaque homme veut être à son tour détrompé, et jamais les désirs ne furent calmés par l'expérience des autres. Il est remarquable qu'un des hommes les plus sensibles et les plus distingués par ses connaissances et son génie ait voulu réduire l'esprit et le cœur humain à un état presque semblable à l'abrutissement. Mais c'est qu'il avait senti plus qu'un autre toutes les peines que ces avantages, portés à l'excès, peuvent faire éprouver. C'est peut-être aux dépens du bonheur qu'on obtient ces succès extraordinaires, dus à des talents sublimes. La nature, épuisée par ses superbes dons, refuse souvent aux grands hommes les qualités qui peuvent rendre heureux. Qu'il est cruel de leur accorder avec tant de peine, de leur envier avec tant de fureur cette gloire, seule jouissance qu'il soit peut-être en leur pouvoir de goûter. Mais avec quelle finesse Rousseau suit les progrès des idées des hommes. Comme il inspire de l'admiration pour les premiers pas de l'esprit humain, et de l'étonnement pour le concours de circonstances qui put les lui faire faire. Comme il trace la route de la pensée, compose son histoire, et fait un effort d'imagination intellectuelle, de création abstraite, au-dessus de toutes les inventions d'événements et d'images dont les poètes nous ont donné l'idée. Comme il sait, au milieu de ces systèmes, exagérés peut-être, inspirer de justes sentiments de haine pour le vice et d'amour pour la vertu. Il est vrai, ces idées positives, comme celles de Montesquieu, ne montrent pas à la fois le mal et le remède, le but et les moyens. Il ne se charge pas d'apprendre à exécuter sa pensée. Mais il agit sur l'âme et remonte ainsi plus haut à la première source. On a souvent vanté la perfection du style de Rousseau. Je ne sais pas si c'est là précisément l'éloge qu'il faut lui donner. La perfection semble consister plus encore dans l'absence de défauts que dans l'existence de grande beauté, dans la mesure que dans l'abandon, dans ce qu'on est toujours que dans ce qu'on se montre quelquefois. Enfin, la perfection donne l'idée de la proportion plutôt que de la grandeur. Mais Rousseau s'élève et s'abaisse tour à tour. Il est tantôt au-dessous, tantôt au-dessus de la perfection même. Il rassemble toute sa chaleur dans un centre et réunit pour brûler tous les rayons qui n'eussent fait qu'éclairer s'ils étaient restés épars. Cependant, Rousseau, joignant à la chaleur et au génie, ce qu'on appelle précisément de l'esprit, cette faculté de saisir des rapports fins et éloignés qui, sans reculer les bornes de la pensée, trace de nouvelles routes dans les pays qu'elle a déjà parcourus. Il remplit souvent, par des pensées ingénieuses, les intervalles de son éloquence, et retient ainsi toujours l'attention et l'intérêt des lecteurs. Une grande propriété de termes, une simplicité remarquable dans la construction grammaticale de sa phrase, donnent à son style une clarté parfaite. Son expression rend fidèlement sa pensée. Mais le charme de son expression, c'est à son âme qu'il le doit. M. de Buffon colore son style par son imagination. Rousseau l'anime par son caractère. L'un choisit les expressions, elles échappent à l'autre. L'éloquence de M. de Buffon ne peut appartenir qu'à un homme de génie. La passion pourrait élever à celle de Rousseau. Mais quel plus bel éloge peut-on lui donner que de lui trouver, presque toujours et sur tant de sujets, la chaleur que le transport de l'amour, de la haine ou d'autres passions peuvent inspirer une fois dans la vie à celui qui les ressent. Son style n'est pas continuellement harmonieux, mais lorsque son âme est émue, on trouve dans ses écrits non cette harmonie imitative dont les poètes ont fait usage, non cette suite de mots sonores qui plairait à ceux même qui n'en comprendraient pas le sens, mais, s'il est permis de le dire, une sorte d'harmonie naturelle, accent de la passion, et s'accordant avec elle comme un air parfait avec les paroles qu'il exprime. Il a le tort de se servir souvent d'expressions de mauvais goût, mais on voit au moins, par l'affectation avec laquelle il les emploie, qu'il connaît bien les critiques qu'on peut en faire. Il se pique de forcer ses lecteurs à les approuver, et peut-être aussi que, par une sorte d'esprit républicain, il ne veut point reconnaître qu'il existe des termes bas ou relevés, des rangs même entre les mots. Mais s'il hasarde des expressions que le goût rejetterait, comme il a su se le concilier par des morceaux entiers, parfaits sous tous les rapports, celui qui s'affranchit des règles, après avoir su si bien s'y soumettre, prouve au moins qu'il ne les blâme pas par impuissance de les suivre. Un des discours de Rousseau qui m'a le plus frappé, c'est sa lettre contre l'établissement des spectacles à Genève. Il y a une réunion étonnante de moyens de persuasion, la logique et l'éloquence, la passion et la raison. Jamais Rousseau ne s'est montré avec autant de dignité. L'amour de la patrie, l'enthousiasme de la liberté, l'attachement à la morale, guide et anime sa pensée. La cause qu'il soutient, surtout appliquée à Genève, est parfaitement juste. Tout l'esprit qu'il met quelquefois à soutenir un paradoxe est consacré dans cet ouvrage à appuyer la vérité. Aucun de ses efforts n'est perdu. Aucun de ses mouvements ne porte à faux. Il a toutes les idées que son sujet peut faire naître, toute l'élévation, la chaleur qu'il doit exciter. C'est dans cet ouvrage qu'il établit son opinion sur les avantages qui doivent résulter pour les hommes et les femmes de ne pas se voir souvent en société. Sans doute, dans une république, cet usage est préférable. L'amour de la patrie est un mobile si puissant qu'il rend les hommes indifférents même à ce que nous appelons la gloire. Mais dans les pays où le pouvoir de l'opinion, affranchi seul de la puissance du maître, les applaudissements et les suffrages des femmes deviennent un motif de plus d'émulation dont il est important de conserver l'influence. Dans les républiques, il faut que les hommes gardent jusqu'à leurs défauts même. Leur âpreté, leur rudesse fortifient en eux la passion de la liberté. Mais ces mêmes défauts, dans un royaume absolu, rendraient seulement tyrans tous ceux qui pourraient exercer quelque pouvoir. D'ailleurs, dans une monarchie, les femmes conservent peut-être plus de sentiments d'indépendance et de fierté que les hommes. La forme des gouvernements ne les atteint point. Leur esclavage, toujours domestique, est égal dans tous les pays. Leur nature n'est donc pas dégradée, même dans les états despotiques. Mais les hommes, faits pour la liberté, se sentent avilis quand ils s'en sont ravis l'usage, et tombent souvent alors au-dessous d'eux-mêmes. Quoique Rousseau ait tâché d'empêcher les femmes de se mêler des affaires publiques, de jouer un rôle éclatant, qu'il a su leur plaire en parlant d'elles. Ah ! S'il a voulu les priver de quelques droits étrangers à leur sort, comme il leur a rendu tous ceux qui leur appartiennent à jamais. S'il a voulu diminuer leur influence sur les délibérations des hommes, comme il a consacré l'empire qu'elles ont sur leur bonheur, s'il les a fait descendre d'un trône usurpé, comme il les a replacés sur celui que la nature leur a destiné, s'il s'indigne contre elles lorsqu'elles veulent ressembler aux hommes, combien il les adore quand elles se présentent à lui avec les charmes, les faiblesses, les vertus et les torts de leur sexe. Enfin, il croit à l'amour. Sa grâce est obtenue. Qu'importe aux femmes que sa raison leur dispute l'empire, quand son cœur leur est soumis. Qu'importe même à celles que la nature a douées d'une âme tendre, qu'on leur ravisse le faux honneur de gouverner celui qu'elles aiment. Non, il leur est plus doux de sentir sa supériorité, de l'admirer, de le croire mille fois au-dessus d'elles, de dépendre de lui, parce qu'elles l'adorent, de se soumettre volontairement, d'abaisser tout à ses pieds, d'en donner elle-même l'exemple, et de ne demander d'autre retour que celui du cœur dont, en aimant, elles se sont rendues dignes. Cependant, le seul tort qu'au nom des femmes je reprocherais à Rousseau, c'est d'avoir avancé dans une note de sa lettre sur les spectacles qu'elles ne sont jamais capables de peindre la passion avec chaleur et vérité. Qu'il leur refuse, s'il veut, ces 20 talents littéraires qui, loin de les faire aimer des hommes, les mettent en lutte avec eux. Qu'il leur refuse cette puissante force de tête, cette profonde faculté d'attention dont les grands génies sont doués. Leurs faibles organes s'y opposent, et leur cœur, trop souvent occupé, s'empare sans cesse de leurs pensées et ne la laisse pas se fixer sur des méditations étrangères à leur idée dominante. Mais qu'il ne les accuse pas de ne pouvoir écrire que froidement, de ne savoir pas même peindre l'amour. C'est par l'âme, l'âme seule, qu'elles sont distinguées. C'est elle qui donne du mouvement à leur esprit. C'est elle qui leur fait trouver quelque charme dans une destinée dont les sentiments sont les seuls événements, et les affections, les seuls intérêts. C'est elle qui les identifie au sort de ce qu'elles aiment, et leur compose un bonheur dont l'unique source est la félicité des objets de leur tendresse. C'est elle, enfin, qui leur tient lieu d'instruction et d'expérience, et les rend dignes de sentir ce qu'elles sont incapables de juger. Sappho, seule entre toutes les femmes, dit Rousseau, a su faire parler l'amour. Ah, quand elle rougirait d'employer ce langage brûlant, signe d'un délire insensé plutôt que d'une passion profonde, elle saurait du moins exprimer ce qu'elles éprouvent. Et cet abandon sublime, cette mélancolique douleur, ces sentiments tout-puissants qui les font vivre et mourir, porteraient peut-être plus avant l'émotion dans le cœur des lecteurs que tous les transports nés de l'imagination exaltée des poètes.